22-16, activation orale. Le temps qui passe, se dépêcher, être en retard. Répondez selon les exemples. Vous entendez. 1. Dépêchez-vous. Vous dites. Vous êtes en retard. Ou bien vous entendez. 2. Ne vous dépêchez pas. Je vous ajoutez. Vous n'êtes pas en retard. Allons-y. 3. Dépêche-toi. Tu es en retard. 4. Dépêchons-nous. Nous sommes en retard. 5. Ne te dépêche pas. Tu n'es pas en retard. 6. Ne nous dépêchons pas. Nous ne sommes pas en retard. 7. Dépêchez-vous. Vous êtes en retard. 8. Ne vous dépêchez pas. Vous n'êtes pas en retard.